qui m'agite. Je ne vois plus Narcisse. Il se cache, il m'évite. Il semble à le voir fuir dans l'épaisseur des bois. Qu'un dieu vengeur marche à sa suite, farouche et solitaire. Il méconnaît ma voix. Il cherche des forêts, Narcisse est infidèle. Il est caché dans la nouvelle. Par d'indignes soupçons, ne le condamnez pas. Vous ignorez encore si Narcisse est coupable. Cours le chercher, balluez la douleur qui me comble.